Un siècle d'été en Corse, de Béatrice Leca. Le renard. C'est l'été. Le paysan est assis devant la nouvelle table de la cuisine. Ses coudes, ses mains n'osent pas toucher le bois brillant, il ne sait pas comment faire ses gestes, il se tient trop droit. Il ne reconnaît pas la maison, ce n'est qu'une table, pense-t-il, et pourtant la cuisine, la maison ont changé de nature. Ils ont changé de maître. Ils ont posé les biscuits. Le café siffle. Il le regarde. Il voit sa gêne. Elle va chercher ses cigarettes. Le paysan fume aussi. Il accepte. Il accepte aussi le café. Il répond aux questions. Il rit. Le paysan se détend un peu. L'enfant est dans le jardin. Une jungle encore. Les herbes hautes le dépassent. Des épis lui entrent dans les yeux. C'est sec et jaune, ça sent le brûlé, la pierre. Contre ses jambes, les tiges légères se cassent d'un petit bruit sec. Il reconnaît tout ce qu'il éprouve, intact. La même joie que les années d'avant enserre sa petite poitrine et l'étrangle presque. Dans la jungle, il faut avancer lentement. On ne voit pas les serpents venimeux qui se glissent sous les feuilles sèches, on ne voit pas les vieux pièges rouillés, on ne voit pas les trappes. Il avance dans ce fouillis de paille et de ronces. Loin, la tache rose d'une petite fleur fripée l'avertit. L'aubépine n'est pas morte cette année. Le café a refroidi. Les petits verres de cristal laissent monter l'odeur de l'alcool de myrte, noir, amer. Le paysan a posé ses mains sur la table maintenant. La fumée de sa gitane monte verticale, presque invisible dans la grande clarté de la cuisine. Le visage du paysan est simple. Il parle sérieusement, mais il adore mentir. Ses yeux amusés le disent parfois. Il raconte de longues histoires, montagnes, carabines, animaux, vengeance. Son enfance ici semble d'un autre siècle. Il l'écoute. Ils essaient de l'imaginer courant derrière les chèvres, puis les cochons, puis les vaches. Ils essaient de l'imaginer en ville, serveur, puis de nouveau ici, au village. Ils n'ont pas d'imagination. Ou peut-être ne voient-ils que cette table neuve. Elle brille dans leur cuisine pauvre où tout s'éternit, vieillit soudain. Elle n'écoute pas. Elle connaît déjà l'histoire, pense-t-elle. La soupière est blanche, immense. On dirait qu'elle est pleine. Le couvercle est bordé d'or. Des roses sont peintes tout autour. Une guirlande de petits boutons dont une partie, trop souvent frottée, est à demi effacée. Dans le buffet, il y a des tasses semblables. Et des assiettes, un service intact. Ils ont apporté de Paris des tasses à café bleu, fines. Elle les voit sur la table et dans l'évier. Et les assiettes, blanches, simples. Elle ne cuisine pas, pas de soupe, pas de gâteau. Elle se souvient brusquement qu'enfant, elle aimait manger les pâtes au milieu des petites fleurs peintes. L'enfant la capturait et la sent bouger dans son poing. Elle était presque invisible. Les sauterelles ici sont comme des feuilles neuves, le même vert presque phosphorescent. Leurs ailes repliées, elles s'allongent sur la tige, on ne les repère qu'à leur tête. Leurs yeux ronds, sans regard, grand ouvert sur le monde, fixent droit devant, sans préméditer leurs bonds extraordinaires. Il va remonter. Il va leur montrer. Ils ont peut-être gardé le bocal de verre où ils enfermaient les insectes l'année dernière. La luciole qui est morte lentement, sa lumière de plus en plus faible. Elle s'efforce de ne pas écouter. Elle a reconnu quelque chose d'ancien dont elle veut se détourner. Elle a deviné. Elle écoute pourtant. Son mari aime les chiens, les tortues, les chevaux. Il a veillé le chat d'ici une nuit entière sans dormir l'année d'avant. Mais il rit avec le paysan. L'enfant est à mi-hauteur des escaliers. Il s'est arrêté avant qu'il ne le voie. Lui aussi écoute maintenant. Enfin, il l'avait eu. Un renard, c'est malin, dit le paysan. On lui tire dessus, il s'écroule et ne bouge plus. Au point du jour, la première lumière qui frappe le poulailler révèle le carnage. Les entrailles de poules éventrées, la tête levée vers le ciel. Jusqu'au soir, le renard court dans la montagne. Elle doit entendre l'histoire. Elle voit le renard roux. Plusieurs fois la nuit, l'un d'entre eux court devant la voiture sur la route, furtif, doux et gris dans les phares. Mais il l'avait eu. Dans la cuisine, le récit de la vengeance est devenu féroce et joyeux. Le paysan et le citadin rient. Une seconde de complicité qui n'est peut-être pas factice. L'enfant est immobile dans l'escalier. Il sent sa sauterelle comme un petit cœur battant dans son poing. Il écoute. Il ne s'y attend pas. Brusquement, il voit l'allumette et le renard et la corde. L'animal affolé qui court et sa douleur muette. Une flamme rousse crépite et dans son cœur qui explose, il entend le rire heureux des hommes. Il l'entend d'eux aussi. Un hoquet de rage et de chagrin à côté de la cave. Les rires s'interrompent. On l'appelle. Dehors, c'est le grand soleil d'été. Il ne reviendra jamais, pense-t-il, sans oser ouvrir son poing fermé. Les herbes le recouvrent entièrement, et les insectes, et le bleu du ciel. Il hésite, le geste lui coûte, mais finalement il ouvre sa main. L'insecte est devenu une petite feuille immobile et douce. Là-haut, une portière claque. La vieille voiture du paysan démarre. Une fumée noire monte quelques secondes derrière le toit de la maison. Puis plus rien. L'église. Le petit cercle de soleil n'a pas atteint la latte de plancher noir. Il n'est pas encore 8 heures. Les cloches n'ont pas sonné, on entend seulement les pneus d'une voiture qui freine là-bas avant le tournant. Et le silence. C'est un peu avant le milieu de l'été. Tout gonfle encore, tout croît et se gorge de chaleur. Fin août, cette vie séchera brusquement. L'enfant attend. Malgré la lessive, les draps ont cette odeur ancienne qu'il ne sait pas s'il aime ou déteste. Il enfonce sa tête sous l'oreiller et respire. La maison entre en lui. Et son histoire et ses vieux morts, sa poussière, ses crucifix au mur, ses verres en cristal. Dans quelques heures, ce sera la messe. Puis le déjeuner. Il ferme les yeux. La journée s'achève là, dans cette image de la grande table sous la treille. Des dizaines de chaises, plastique, osier, métal. Chacune devant son assiette comme une invitation, avant que n'arrivent des dames parfumées et des hommes trop grands, et ce vieux monsieur élégant au regard vague. Chaque année plus désespérée, pensera-t-il un jour. Le parquet est propre et lisse contre les pieds nus. Il laisse les vêtements repasser sur la chaise, la chemise blanche, le pantalon. Il n'ouvre pas les volets, il descend doucement les escaliers. Aucun bruit. Dans le jardin traîne encore un peu de la fraîcheur de la nuit. Il ne voit pas le chat gris qui se gratte sous le fauteuil. Il s'approche des fleurs, des hortensias et des rosiers, tout contre la clôture. Au loin, les montagnes pâlissent en étincelant dans l'air bleu. Les dernières si claires, presque fausses. L'aube se dissout dans le jour qui monte et s'ouvre brusquement. La grille doit grincer, il faut l'ouvrir d'un coup sec. L'arc d'une plainte aiguë s'élance dans le jardin puis s'interrompt. Il voudrait être loin. Il marche vite. Il espère que là-haut, la porte est restée ouverte. Les volets de chaque maison sont fermés, on n'entend pas un bruit. Cependant, il lui semble que le soleil est haut déjà. Il court maintenant, que personne ne le voit, et une impatience inquiète. De sa maison, il serait une silhouette grise mais précise, glissant vers l'église. Il y est presque aussitôt. Et aussitôt l'ombre, la grande fraîcheur, tombe sur lui. Quelques secondes, il doit s'arrêter. Le myrte, l'encens, la cire sèche emplissent ses poumons. Des statues le regardent, saints de plâtre peint, qui ne le reconnaissent pas. La veille, les femmes sont venues apporter les bouquets. Les violets, les roses, les bleus, les verts noircis des fougères, des hortensias et des roses luisent devant l'autel et sur les marches en grandes taches vivantes. Sur le pupitre de fer, quatre bougies rouges brûlent depuis des jours. Il regarde la porte de la sacristie entrouverte là-bas. Tout au fond, sur la table qu'il devine, comme un drap, repose la chasuble blanche où un large ruban rouge dessine une croix. Il avance. Et il les voit soudain. Tous ces regards qui le fixent depuis leur stèle, lointains et désolés. Le jeune homme et l'agneau, le barbu et le lion. Une jeune fille étreint un crucifix, une autre baisse ses paupières sur ses mains jointes et sourit. Là-haut, le soleil frappe la vitre nue où les guêpes ont fait un nid. Il entre dans la sacristie, sa main passe sous le buffet, les toiles d'araignée se déchirent comme une gaze grise. Il n'y a rien, pense-t-il cette année, il n'y a rien, mais déjà il sent l'enveloppe. Comme il la prend, son cœur lui vient dans la gorge. Les cloches sonnent de haute volée. Le métal entre dans les tympans et s'y cogne, encore, encore et pour l'éternité. Devant l'église, une petite foule attend. Ils viennent de loin ce jour-là, parfois de Paris. Les femmes tiennent avec précaution sur leurs talons. Celles d'ici sont presque toutes habillées de blanc. Elles portent des chapeaux et s'embrassent gravement. Les plus âgées parlent entre elles une langue que l'enfant ne comprend pas. Les notes des cloches remplissent la bouche, les oreilles, tremblent longtemps encore dans le crâne après qu'elles ont cessé. Elle le cherche et longtemps elle ne le voit pas. Sa mère lui tient la main. Il y a tous ces gens, ces voix mêlées, ces interruptions. Elle reconnaît à peine l'église. La veille dans la nuit, c'était une grotte sacrée, éclairée des seuls feux rouges des bougies et de la lampe de poche volée à la cuisine. Elle n'a pas peur. Elle revoit sa lettre, les mots solitaires, fins, rayonnants sur le papier blanc. Elle retrouve dans sa bouche le goût de l'enveloppe léchée. Les parents s'approchent et embrassent sa mère avant de se pencher vers elle. Comme elle a grandi, comme elle est jolie. Il y a une gêne. Puis elle le voit. Enfin, qui la regarde. Elle a changé. C'est la dernière année, pense-t-il, alors que les cloches se lancent une dernière fois vers le ciel et que la foule entre dans l'église. La dernière année qu'elle vient. La dernière année où elle lui donne rendez-vous. La dernière année où il a peur. La dernière année où il n'ouvre pas l'enveloppe avant la nuit. Le chien. Le chien est allongé devant le garage, la langue touche presque le goudron. Autour des paupières fermées, les mouches s'agacent. Pas un mouvement. Dans le soleil, le poil ras brille comme du cuir ciré. Il voudrait s'approcher. Il regarde les crocs jaunis qui sortent des gencives nues, leur forme de dents de requin, de crochets prédateurs précis, et la douceur de l'œil fermé, la grande fatigue qui a pris le corps avec la chaleur et la soif. Il regarde la chaîne et l'anneau, la gamelle vide, une casserole d'aluminium dont la poignée a été arrachée. La fontaine est loin, plus loin que l'église, et c'est midi. Ils sont à quelques mètres. Derrière le rideau de plastique, il les entend qui déjeunent. Ils sont nombreux, ils rient. Il reconnaît la voix de Nicolas, celle de Julien. Il devine le pas des femmes. De l'autre côté, elles montent le pain, descendent la carafe vide. Il n'est jamais entré dans cette maison. Il se demande si le sol est de terre battue, comme avant. Il n'a pas faim, mais les grandes voix amusées, les voix fortes et sûres des hommes lui donnent envie d'être à table, avec eux, devant leurs énormes assiettes pleines d'épais morceaux de viande fumante, de sauce et de pommes de terre sautées. Il s'avance et s'agenouille devant le chien immobile. Il ne le reconnaît pas. L'année dernière, c'était presque un jouet. Il répondait en courant au moindre appel, vacillant sur les pattes trop courtes, affolé d'une sorte de tendresse curieuse, prête à lécher tout ce qu'il approchait en gémissant pour des courses, des caresses ou des jeux. On dirait un loup maintenant, pense l'enfant devant la tête si fine du chien. La même chaleur presque intenable les tient serrés dans son étau. Il se penche vers l'ombre écrasée, le nain que le soleil jette sur le sol, et il approche la main. Ses deux doigts passent, très doucement, entre les yeux. L'animal garde les paupières fermées, mais il étire en un frisson ses pattes, longue ossature noire, soyeuse, qui se tend et s'achève dans les griffes écartelées. Grogne à peine, la langue passe sur les dents comme pour vérifier quelque chose, et enfin il le regarde. Au collier, la médaille étincelle, un cercle blanc. L'enfant fixe la porte de la maison. Les lanières du rideau ne bougent pas, mais brusquement, il craint que quelqu'un n'en sorte et ne le voie. Il détache la chaîne. Le chien n'aboie pas, se lève aussitôt. Un bond, et tout le corps en attente. Sa queue bat nerveusement de droite à gauche. Il gémit doucement en regardant l'enfant et soudain, comme si quelqu'un avait donné le départ en hurlant, s'élance vers l'église. On a débroussaillé autour de la fontaine et c'est dans la forêt comme une clairière après le myrte, les genêts, les oliviers et les châtaigniers étendus, les racines et les ronces, les troncs morts au fil des traînées neuves de lierre, les restes de murs éboulés. Au milieu, la pierre creusée d'où sort en août un filet d'eau est gravée deux fois, 1869-1911. L'enfant ignore pourquoi et pense aux dates des tombes. Le chien l'attend, assis, les poils collés d'eau, avec son regard noir et son aveugle confiance. L'enfant doit presque s'allonger devant la pierre. L'eau est glacée. Un goût de granit et de rouille l'éblouit alors qu'il se souvient de l'interdiction, d'histoires anciennes de jeunes filles couchées et de maladies. À côté de lui, le chien semble lui sourire. On entend les premières détonations avant le lever du soleil. Les coups se répercutent de roche en roche et emplissent l'air comme une catastrophe. Les chiens, hurlant leur gibier et leur joie, la gueule et le nez pleins de sang et de viande crue. Puis les voix des hommes. Un cri, une sorte de chant fier que la montagne renvoie plus lentement et dont le sens se perd avant que l'enfant ne puisse l'attraper. Toute la matinée, ça monte. Coups de feu, voix, aboiements. Une équipe contre une autre. Les hommes et les chiens, unis. Les animaux sauvages, seuls dans leur affolement, avec leur puissance préhistorique, leur détresse et la folie de vivre. Jusqu'à midi. Alors ils reviennent. Les cadavres sont ficelés sur le capot avant, les yeux enfoncés, grands ouverts. Les pattes écartées, trophées aux petites cornes retroussées, groins écrasés. Il les compte, il les compare. Plus tard, ils les dépèceront et on les cuira sur place. L'enfant regarde le chien noir qui lèche le sang comme ivre sous la voiture. Dans quelques jours, l'été sera terminé. Il lui revient cette nausée, la chaleur et cette odeur de sang cru se nouent dans son ventre depuis quelques jours. Le soir, il est à la grande table avec les hommes, les femmes et les enfants d'ici. Les côtelettes brûlent au-dessus du feu, ruisselantes de la graisse qui éclate tout le long en minuscules bulles noires. Les étoiles sont versées dans le ciel si nombreuses qu'elles font par endroits de grandes traînées pâles. Le chien est couché sous ses jambes. L'enfant sent les poils ras et de temps à autre, la laine tiède sur son pied. Il mange cette viande qu'il n'aime pas, où il sent l'animal vivant encore, le muscle élastique, âpre. Il a mal au cœur, mais il sent une fierté monter en lui. Et aux plaisanteries qu'il ne comprend pas et qui éclatent autour de la table, il rit avec les autres, la bouche pleine. Le couteau. Il a trouvé presque le même. Rouge, fin. La lame claque d'un très léger bruit net quand elle s'enfonce, entaillant exactement la petite fente du manche. La nuit à Paris, il l'ouvrait et le fermait des heures durant avant de s'endormir. Maintenant, sa main le cherche et joue dans sa poche, comme avec un petit animal. L'autre couteau est plus ancien. Le bois a sauté par endroits et la peinture s'est craquelée en pastilles minuscules qu'on voudrait gratter de l'ongle. Il est beaucoup plus beau, pense l'enfant, et dans sa poitrine, quelque chose se tord alors que son ami le regarde en silence. La voiture est encore garée devant la maison. C'est encore la route, la fontaine et l'église, et c'est encore l'été. La saison immobile qui l'attendait et le guette et le juge dès qu'il arrive. Lui aussi regarde son ami qui se tient là-bas près de la forêt. La peau bronzée, le col du t-shirt lâche, les muscles des jambes et des bras précis, prêts à la course ou à la guerre. Il sent son corps pâle, rose, affaibli par la ville, l'école et l'obéissance. Un an a passé, il sent ses chaussures propres, ses cheveux lisses, ses vêtements repassés. Il sent sa voix polie et la honte autour de ses tempes, sur ses épaules, dans sa gorge, chaque année. Les petits pas de sa mère, avec ses talons, sa jupe serrée, les petites choses qui brillent à ses oreilles, ses bras, son cou, le rouge à lèvres, les longs cils et le parfum. Ici, où tout se cache et se métamorphose en secret. Il entend la voix haute, sûre, qui salue, embrasse, demande des nouvelles. Il entend l'intérêt fin, la voix fausse, le petit rire pour rien. Il voit le regard impatient de sa mère qui ne peut se fixer sur nul visage ici. Son père ouvre les volets. Toutes les fenêtres de cette maison étrangère. Une maison de paysans, une maison de pauvres. La chaleur entre et l'odeur des menthes, des lauriers roses, des genêts en bas. Un miel léger, merveilleux, de début d'été. Ils disent la cabane. C'est un immense châtaignier effondré au travers des arbres. Il n'y a plus rien désormais du fracas de la chute. Cette terreur de fin du monde des premiers jours où l'arbre agonisait après l'orage. Les énormes racines arrachées, suspendues pleines de terre au-dessus des fougères et des ronces. La forêt a repris l'arbre mort, les lierres montent en petites flèches verticales, étouffant peu à peu le tronc noirci. L'enfant va doucement. Il a vu son ami tout en haut. Un nid de cheveux bouclés à hauteur des branches les plus fines, immobile. Cette année, il ne l'a pas attendu pour monter. Il ne lui tendra pas la main pour passer sur la planche qu'ils ont calée avant le sommet, la planche molle, couverte de clous, qu'il n'a jamais apprivoisée. Les feuilles des lierres luisent dans le soleil, grasses comme l'herbe. Les lianes épaisses courent le long du tronc de leurs petites ventouses sèches, prêtes à se décoller. L'enfant s'accrocherait à une cordelette de soie. Ses mains ne se souviennent plus tout à fait des prises. Le soleil vient brusquement dans les yeux. Une lame blanche et chaude. Et puis à nouveau, la grande fraîcheur de la forêt se referme sur lui. S'il s'arrêtait, s'il collait son dos contre l'écorce, s'il allongeait la nuque, la paume des mains sur l'arbre, s'il trouvait un équilibre, un repos là, comme l'animal qu'il n'est pas. Il verrait, au travers du ciel compliqué des feuilles et des branches, le ciel absolument bleu. Et peu à peu, s'habituant à l'envers de ce paysage, toute la vie aérienne, les lents mouvements imposés par le vent, le jeu oblique de la lumière atteignant les feuilles, mates, phosphorescentes, scintillant de leurs milliers d'années sur la terre, et le dessin puissant des arbres qui portent leurs désirs toujours plus haut, tiges graciles vers le soleil tandis que s'étendant plus profond dans la terre aveugle, leur mémoire s'épaissit en cercles concentriques, comme certaines pierres ou certains secrets. Mais il veut avancer. Il doit devenir un serpent, un oiseau. Il doit devenir une petite chèvre. Il est léger. Il est monté 100 fois au sommet du châtaignier. Il ne doit pas penser. C'est difficile, mais d'une seconde à l'autre, il croit y parvenir. Parfois, il sent son corps disparaître. Quelque chose le porte et le hisse, dessous les hautes plumes des fougères. Les feuilles fines et régulières des acacias couvrent le ravin où passait le fleuve avant. Bientôt, la planche. Il monte plus rapidement qu'il ne le pense. Il est maintenant à la hauteur des bogues qui s'ouvrent autour de lui comme des étoiles. Vert amande, boule de velours au milieu des feuilles des autres châtaigniers. Il se souvient de la danse de son ami, les bras écartés comme un funambule entre les branchages. Il se souvient du plongeon au fleuve, l'eau noire, vibrant de la menace des rochers dessous. Il y a les trois clous, tordus, rouillés au milieu. Il n'écarte pas les bras. Il regarde droit devant lui, la fourche grise de cette branche épaisse, solide, qu'il a presque gagnée. Il n'entend pas le bois craquer. Il n'entend pas le chant des oiseaux, ni la voix de son ami. Une basse s'enfonce et lui bouche les oreilles mieux que la cire. Il n'entend pas non plus son cœur. Le ver dévale la montagne jusqu'aux petites maisons qui ont coulé dans un creux. Leurs jambes pendent dans le vide. Les dernières branches de l'arbre mort forment un coude comme pour s'y adosser. Les enfants frottent l'allumette, chacun leur tour. Ils passent à la flamme la lame de leur couteau, l'une déjà noire, l'autre qui bleuit brusquement. Le sang jaillit aussitôt. Ils appuient leurs doigts l'un contre l'autre. Les deux larges gouttes d'un rouge épais se mêlent comme du lait. Il se sourit. La même fierté leur monte au visage et un instant, on dirait deux frères. La maison. Les fruits ont commencé à éclater au sol. De petites bombes vertes éventrées. Dedans, une confiture presque mauve durcit doucement dans le soleil. Les colonnes de fourmis s'alignent en fil pressé. Allez, retour chargé de sucre. L'enfant n'a qu'à tendre la main. Les figues se détachent seules. La peau fond avant même que la dent ne la déchire. Derrière, la maison fermée, comme une vieille femme sévère et muette. La cour a été nettoyée, l'herbe coupée a séché en petites pailles décolorées, le rosier est fleuri. Le banc de pierre sous la fenêtre est propre. L'ombre de l'arbre s'y étend comme un nuage. Il n'ose pas s'asseoir cependant. Il craint toujours la vieille haleine de la maison dans son dos, enfermée, peut-être mauvaise. Ici, nul ne le trouvera. L'enfant s'allonge au pied de l'arbre, dans le parfum des feuilles larges et des fruits gonflés. Le ciel est loin. Le bleu tourne lentement dans ses yeux, où s'enfonce parfois le vol d'un insecte vrombissant. Il attend étendu ce moment où la terre sèche commencera de le prendre, de le porter, de l'avaler doucement. Les fourmis vont leur ascension sur ses jambes, soufflent, agacement minuscule, un frisson. Il ferme les paupières où le blanc de la lumière est descendu. Le silence s'agrandit. Oiseaux, mouches légères, arceaux fous des cétoines et des temps allant cogner à l'aveugle contre le mur. Dans les herbes, une herbe plus verte encore avance, arc-boutée sur ses mandibules. Une paix sacrée monte en lui comme la mort, pense-t-il. Il s'endort peut-être. Il n'a pas entendu les pas souples, les pas lourds de l'âne qui passe maintenant sur son front, son nez, le souffle chaud de son museau immense, velours usé, troué de poils. La grille est restée ouverte. Il sent la masse énorme juste à côté de lui, immobile, juste devant le ciel. Le ventre tiède arrondi comme un tonneau, une force silencieuse, placide. Il se lève doucement. L'âne s'est éloigné un peu et le regarde. La douceur étonnée de son œil soulignée de blanc et de noir. Puis il s'approche du porche, pousse à peine de sa grande tête. La porte s'enfonce dans l'obscurité d'un couloir sans même grincer. L'enfant connaît ces histoires auxquelles ses parents ne croient pas. Le vieux mort trouvé ici en habit du dimanche sur son lit, les mains croisées sur son crucifix et veillé à côté de la bougie par son âne, son chien et sa chèvre. Depuis, nul n'est entré ici, dit-on. C'est un long couloir, la première pièce est immense. La lumière suinte des volets clos. Dans l'ombre dense, l'enfant devine d'abord le sofa, la table et les chaises renversées. Une dévastation tranquille, désormais recouverte d'années immobiles. Au-dessus de la cheminée, l'étain du miroir est mangé comme par un feu noir. Le ventre ouvert d'un fauteuil plein de maïs. Des débris de porcelaine, bols, lampes à pétrole, assiettes. Le salpêtre au mur, au meuble. Une craie blanche où les choses paraissent se désintégrer. Derrière, le couloir mène au grand escalier de marbre. Là-haut, le plancher s'est effondré et le toit laisse de grands rectangles de lumière chauffer 100 ans de poussière, un coton épais. Les fils d'araignées brillent comme du cristal. Milliers d'insectes morts, mouches, frelons, guêpes, légers comme de la cendre. Le soleil tape selon les heures sur les portraits décrochés des murs, des visages maladroits, sévères et tristes dont les noms sont perdus, les chaises, les buffets, les lits défoncés, rongés par les rats, et les minuscules têtes des chauves-souris endormies derrière leurs ailes roides. Il marche longtemps. Le goût âcre sur sa langue disparaît. La chaleur de midi, les odeurs sauvages des herbes, des fleurs entrent dans sa bouche, ses poumons. Il passe devant la petite chapelle. Il n'entre pas. Il ne voit pas le nom gravé au-dessus de la porte, ni les dates. Il ne sait pas que c'est ici qu'ils ont enterré le mort, ni qu'un jour un âne est venu s'y étendre, puis un chien et une chèvre. Il ne sait pas que le caveau est plein des ossements secs, blancs et lisses des trois animaux que le mort avait aimés plus que ses propres enfants, disait-on. Il atteint presque la source. Sous les feuilles sèches, les taches rouges ou bleues de vieilles cartouches font croire à des trésors. Quelque chose brille là, pourtant, que l'enfant ramasse. Il tient dans sa main la petite médaille tordue, un sein frappé dans de l'argent. Autour de lui, les énormes courbes souples des montagnes se multiplient. Les arbres d'abord, puis la roche sèche, verticale, puis jusqu'au ciel, irréel, les bleus glacés d'églises et de paradis. Il hésite. Deux faucons planent très loin, leurs ailes déployées en croix noire et calme sur la beauté vide du ciel. Il creuse soigneusement la terre, un petit rectangle brun, et il enterre la médaille. C'est le milieu de l'été. Il pense à l'âne là-bas, et un immense sanglot prend soudain l'enfant à la gorge. C'était « Un siècle d'été en Corse » de Béatrice Leca. Texte dit par Élodie Hubert. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son et mixage Stéphane Desmond. Assistance technique et montage Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation Vivien Demeyer. Réalisation Étienne Vallès.